jours gelés. Tu me glisses à l'oreille, j'en veux encore et sans pareil. Pénétrant ta salle au trésor, je sens mon sang bouillir encore. Tes formes, mon amour allongé. N'hésite pas, frappe très fort. Des coups de toi, j'en veux encore. La nuit est longue et je transpire. Encore une fois, ce n'est pas pire. J'ai envie.